le masque. Il y avait bal costumé à l'Élysée-Montmartre ce soir-là. C'était à l'occasion de la mi-carême et la foule entrait, comme l'eau dans une vanne d'écluse, dans le couloir illuminé qui conduit à la salle de danse. Le formidable appel de l'orchestre, éclatant comme un orage de musique, crevait les murs et le toit, se répandant sur le quartier. Allait éveiller par les rues et jusqu'au fond des maisons voisines cet irrésistible désir de sauter, d'avoir chaud, de s'amuser, qui sommeille au fond de l'animal humain. Et les habitués du lieu s'en venaient des quatre coins de Paris, gens de toutes les classes qui aiment le gros plaisir tapageur, un peu crapuleux, frotté de débauche. C'étaient des employés, des souteneurs, des filles de tout drap, depuis le coton vulgaire jusqu'à la plus fine batiste, des filles riches, vieilles et diamantées, et des filles pauvres, de 16 ans, pleines d'envie de faire la fête, d'être aux hommes, de dépenser de l'argent. Des habits noirs élégants en quête de chair fraîche, de primeurs déflorées mais savoureuses, rôdaient dans cette foule échauffée, cherchaient, semblaient flairer, tandis que les masques paraissaient agités, surtout par le désir de s'amuser. Déjà des quadrilles renommées amassaient autour de leur bondissement une couronne épaisse de public. La haie onduleuse, la patte remuante de femmes et d'hommes qui encerclaient les quatre danseurs, se nouait autour comme un serpent, tantôt rapproché, tantôt écarté, suivant les écarts des artistes. Les deux femmes, dont les cuisses semblaient attachées au corps par des ressorts de caoutchouc, faisaient avec leurs jambes des mouvements surprenants. Elles les lançaient en l'air avec tant de vigueur que le membre paraissait s'envoler dans les nuages, puis soudain, les écartant comme si elles se fussent ouvertes jusqu'à mi-ventre, glissant l'une en avant, l'autre en arrière, elles touchaient le sol de leur centre par un grand écart rapide, répugnant et drôle. Leurs cavaliers bondissaient, tricotaient des pieds, s'agitaient, les bras remués et soulevés comme des moignons d'ailes sans plumes, et on devinait, sous leurs masques, leur respiration essoufflée. Un d'eux, qui avait pris place dans le plus réputé des quadrilles pour remplacer une célébrité absente, le beau Songe au gosse, et qui s'efforçait de tenir tête à l'infatigable Arrête de Veau, exécutait des cavaliers seuls bizarres qui soulevaient la joie et l'ironie du public. Il était maigre, vêtu en gommeux, avec un joli masque verni sur le visage, un masque à moustache blonde frisée que coiffait une perruque à boucles. Il avait l'air d'une figure de cire du musée Grévin, d'une étrange et fantasque caricature du charmant jeune homme des gravures de mode, et il dansait avec un effort convaincu mais maladroit, avec un emportement comique. Il semblait rouillé à côté des autres, en essayant d'imiter leurs gambades. Il semblait perclus, lourd comme un roquet jouant avec des lévriers. Des bravos moqueurs l'encourageaient, et lui, ivre d'ardeur, gigotait avec une telle frénésie que, soudain, emporté par un élan furieux, il alla donner de la tête dans la muraille du public, qui se fendit devant lui pour le laisser passer, puis se referma autour du corps inerte, étendu sur le ventre du danseur inanimé. Des hommes le ramassèrent, l'emportèrent. On criait « Un médecin !» Un monsieur se présenta, jeune, très élégant, en habit noir, avec de grosses perles à sa chemise de bal. « Je suis professeur à la faculté, » dit-il d'une voix modeste. On le laissa passer, et il rejoignit, dans une petite pièce pleine de cartons comme un bureau d'agent d'affaires, le danseur toujours sans connaissance qu'on allongeait sur des chaises. Le docteur voulut d'abord ôter le masque et reconnut qu'il était attaché d'une façon compliquée avec une multitude de menus fils de métal qui le liaient adroitement au bord de sa perruque et enfermaient la tête entière dans une ligature solide dont il fallait avoir le secret. Le cou lui-même était emprisonné dans une fausse peau qui continuait le menton, et cette peau de gant, peinte comme de la chair, attenait au col de la chemise. Il fallut couper tout cela avec de forts ciseaux. Et quand le médecin eut fait, dans ce surprenant assemblage, une entaille allant de l'épaule à la tempe, il entr'ouvrit cette carapace et y trouva une vieille figure d'homme usé, pâle, maigre et ridé. Le saisissement fut tel parmi ceux qui avaient apporté ce jeune masque frisé que personne ne rit, que personne ne dit un mot. On regardait, couché sur des chaises de paille, ce triste visage aux yeux fermés, barbouillés de poils blancs, les uns longs, tombant du front sur la face, les autres courts, poussés sur les joues et le menton. Et, à côté de cette pauvre tête, ce petit, ce joli masque verni, ce masque frais qui souriait toujours. L'homme revint à lui après être demeuré longtemps sans connaissance. Mais il paraissait encore si faible, si malade, que le médecin redoutait quelques complications dangereuses. « Où demeurez-vous ? » dit-il. Le vieux danseur parut chercher dans sa mémoire, puis se souvenir, et il dit un nom de rue que personne ne connaissait. Il fallut donc lui demander encore des détails sur le quartier. Il les fournissait avec une peine infinie, avec une lenteur et une indécision qui révélaient le trouble de sa pensée. Le médecin reprit « Je vais vous reconduire moi-même ». Une curiosité l'avait saisi de savoir qui était cet étrange baladin, de voir où gîtait ce phénomène sauteur. Et un fiacre bientôt les emporta tous deux de l'autre côté des buttes Montmartre. C'était dans une haute maison d'aspect jaune où montait un escalier gluant, une de ces maisons toujours inachevées, criblées de fenêtres, debout entre deux terrains vagues, niches crasseuses où habite une foule d'êtres guenilleux et misérables. Le docteur, cramponné à la rampe, tige de bois tournante où la main restait collée, soutint jusqu'au quatrième étage le vieil homme étourdi qui reprenait des forces. La porte à laquelle ils avaient frappé s'ouvrit, et une femme apparut, vieille aussi, propre, avec un bonnet de nuit bien blanc encadrant une tête osseuse, aux traits accentués, une de ces grosses têtes bonnes et rudes des femmes d'ouvriers laborieuses et fidèles. Elle s'écria « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a eu ?» Lorsque la chose eut été dite en 20 paroles, elle se rassura, et rassura le médecin lui-même, en lui racontant que, souvent déjà, pareille aventure était arrivée. « Faut le coucher, monsieur, rien d'autre chose, il dormira, et demain n'y paraîtra plus. » Le docteur reprit « Mais c'est à peine s'il peut parler. Oh, c'est rien, un peu de boisson, pas autre chose. Il n'a pas dîné pour être souple, et puis il a bu deux vertes pour se donner de l'agitation. » La verte, voyez-vous, ça lui refait des jambes, mais ça lui coupe les idées et les paroles. Ça n'est plus de son âge de danser comme il fait. Non, en vrai, c'est à désespérer qu'il ait jamais une raison. » Le médecin, surpris, insista. « Mais pourquoi danse-t-il d'une pareille façon, vieux comme il est ?» Elle haussa les épaules, devenue rouge sous la colère qui l'excitait peu à peu. « Ah oui, pourquoi ? Parlons-en ! Pour qu'on le croie jeune sous son masque, pour que les femmes le prennent encore pour un godelureau et lui disent des cochonneries dans l'oreille, pour se frotter à leur peau, à toutes leurs sales peaux avec leurs odeurs et leurs poudres et leurs pommades. Ah, c'est du propre. Allez, j'en ai eu une vie, moi, monsieur, depuis 40 ans que cela dure. Mais faut le coucher d'abord pour qu'il ne prenne pas mal. Ça ne vous ferait rien de m'aider ? Quand il est comme ça, je n'en finis pas toute seule. » Le vieux était assis sur son lit, l'air ivre, ses longs cheveux blancs tombés sur le visage. Sa compagne le regardait avec des yeux attendris et furieux. Elle reprit « Regardez s'il n'a pas une belle tête pour son âge. Il faut qu'il se déguise en polisson pour qu'on le croie jeune. Si c'est pas une pitié. Vrai qu'il a une belle tête, monsieur. Attendez, je vais vous la montrer avant de le coucher. » Elle alla vers une table qui portait la cuvette, le pot à eau, le savon, le peigne et la brosse. Elle prit la brosse, puis revint vers le lit, et relevant toute la chevelure emmêlée du pochard, elle lui donna en quelques instants une figure de modèle de peintre, à grandes boucles tombant sur le cou. Puis, reculant afin de le contempler, « Vrai qu'il est bien pour son âge, hein ?»« Très bien, » affirma le docteur qui commençait à s'amuser beaucoup. Elle ajouta « Et si vous l'aviez connu quand il avait 25 ans ?» « Mais faut le mettre au lit. Sans ça, ses vertes lui tourneraient dans le ventre. Tenez, monsieur, voulez-vous tirer sur sa manche plus haut, comme ça. Bon, la culotte maintenant. Attendez, je vais lui ôter ses chaussures. Ah, c'est bien. À présent, tenez-le debout pour que j'ouvre le lit. Ah, voilà. Couchons-le. Ah, si vous croyez qu'il se dérangera tout à l'heure pour me faire de la place, vous vous trompez. Faut que je trouve mon coin, moi, n'importe où. Ça ne l'occupe pas. Ah, un jouisseur, va. » Dès qu'il se sentit étendu dans ses draps, le bonhomme ferma les yeux, les rouvrit, les ferma de nouveau, et dans toute sa figure satisfaite apparaissait la résolution énergique de dormir. Le docteur, en l'examinant avec un intérêt sans cesse accru, demanda « Alors, il va faire le jeune homme dans les bals costumés ?»« Dans tous, monsieur !» Et il me revient au matin dans un état qu'on ne se figure pas. Voyez-vous, c'est le regret qui le conduit là et qui lui fait mettre une figure de carton sur la sienne. Oui, le regret de n'être plus ce qu'il a été. Et puis, de n'avoir plus ses succès. Il dormait maintenant et commençait à ronfler. Elle le contemplait d'un air apitoyé et elle reprit. « Ah, il en a eu des succès, cet homme-là. Plus qu'on ne croirait, monsieur. Plus que les beaux messieurs du monde et que tous les ténors et que tous les généraux. Vraiment ? Que faisait-il donc ? Oh, ça va vous étonner d'abord, vu que vous ne l'avez pas connu dans son beau temps. Moi, quand je l'ai rencontré, c'était à un bal aussi, car il les a toujours fréquentés. J'ai été prise en l'apercevant, mais prise comme un poisson avec une ligne. Il était gentil, monsieur, gentil à faire pleurer comme on le regardait, brun comme un corbeau et frisé, avec des yeux noirs aussi grands que des fenêtres. Ah oui, oui, c'était un joli garçon. Il m'a emmené ce soir-là et je ne l'ai plus quitté, jamais, pas un jour malgré tout. Oh, il m'en a fait voir de dur. » Le docteur demanda « Vous êtes marié ?» Elle répondit simplement « Oui, monsieur. Sans ça, il m'aurait lâché comme les autres. J'ai été sa femme et sa bonne, tout ce qu'il a voulu. Et il m'en a fait pleurer, des larmes que je ne lui montrais pas. Car il me racontait ses aventures, à moi, monsieur, sans comprendre quel mal ça me faisait de l'écouter. Mais quel métier faisait-il, enfin ? C'est vrai, j'ai oublié de vous le dire. Il était premier garçon chez Martel, mais un premier comme on n'en avait jamais vu. Un artiste à 10 francs l'heure en moyenne. Martel ? Qui ça, Martel ? Le coiffeur, monsieur ! Le grand coiffeur de l'opéra, qui avait toute la clientèle des actrices. Oui, toutes les actrices les plus huppées se faisaient coiffer par Ambroise et lui donnaient des gratifications qui lui ont fait une fortune. Ah, monsieur, toutes les femmes sont pareilles, oui, toutes. Quand un homme leur plaît, elles se l'offrent. C'est si facile. Et ça fait tant de peine à apprendre, car il me disait tout. Il ne pouvait pas se taire. Non, il ne pouvait pas. Ces choses-là donnent tant de plaisir aux hommes. Plus de plaisir encore à dire qu'à faire, peut-être. Quand je le voyais rentrer le soir, un peu pâlot, l'air content, l'œil brillant, je me disais « Encore une. Je suis sûr qu'il en a levé encore une. » Alors, j'avais envie de l'interroger. Une envie qui me cuisait le cœur, et aussi une autre envie de ne pas savoir, de l'empêcher de parler s'il commençait. Et nous nous regardions. Je savais bien qu'il ne se tairait pas, qu'il allait en venir à la chose. Je sentais cela à son air de rire, pour me faire comprendre « J'en ai eu une bonne aujourd'hui, Madeleine. » Je faisais semblant de ne pas voir, de ne pas deviner, et je mettais le couvert, j'apportais la soupe, je m'asseyais en face de lui. Dans ces moments-là, monsieur, c'est comme si on m'avait écrasé mon amitié pour lui dans le corps, avec une pierre. Ça fait mal, allez, rudement. Mais il ne saisissait pas, lui. Il ne savait pas. Il avait besoin de conter cela à quelqu'un, de se vanter, de montrer combien on l'aimait. Et il n'avait que moi à qui le dire, vous comprenez ? Que moi ! Alors, il fallait bien l'écouter, et prendre ça comme du poison. Il commençait à manger sa soupe, et puis il disait « Encore une, Madeleine !» Moi, je pensais « Ça y est, mon Dieu, quel homme faut-il que je l'ai rencontré ?» Alors il partait, encore une, et puis une chouette. Et c'était une petite du vaudeville, ou bien une petite des variétés, et puis aussi des grandes, les plus connues de ces dames de théâtre. Ils me disaient leur nom, leur mobilier, et tout, oui, tout, monsieur. Des détails à m'arracher le cœur. Et il revenait là-dessus. Il recommençait son histoire, d'un bout à l'autre, si content que je faisais semblant de rire, pour qu'il ne se fâche pas contre moi. Ce n'était peut-être pas vrai, tout ça. Il aimait tant se glorifier qu'il était bien capable d'inventer des choses pareilles. C'était peut-être vrai aussi. Il faisait semblant d'être fatigué, de vouloir se coucher après souper. On soupait à 11 heures, monsieur, car il ne rentrait jamais plus tôt à cause des coiffures de soirée. Quand il avait fini son aventure, il fumait des cigarettes en se promenant dans la chambre. Et il était si joli garçon, avec sa moustache et ses cheveux frisés, que je pensais, C'est vrai tout de même ce qu'il raconte. Puisque j'en suis folle, moi, de cet homme-là, pourquoi donc les autres n'en seraient-elles pas aussi toquées? J'en ai eu des envies de pleurer, et de crier, et de me sauver, et de me jeter par la fenêtre, tout en desservant la table pendant qu'il fumait toujours. Il bâillait, en ouvrant la bouche pour me montrer combien il était là, et il disait deux ou trois fois avant de se mettre au lit, « Dieu, que je dormirai bien cette nuit !» Oh, je ne lui en veux pas, car il ne savait point combien il me peinait. Non, il ne pouvait pas le savoir. Il aimait se vanter des femmes comme un paon qui fait la roue. Il en était arrivé à croire que toutes le regardaient et le voulaient. Ça a été dur quand il a vieilli. Oh, monsieur, quand j'ai vu son premier cheveu blanc, j'ai eu un saisissement à perdre le souffle, et puis une joie, une vilaine joie, mais si grande, si grande. Je me suis dit, c'est la fin, c'est la fin. Il m'a semblé qu'on allait me sortir de prison. Je l'aurais donc pour moi toute seule, quand les autres n'en voudraient plus. C'était un matin dans notre lit. Il dormait encore, et je me penchais sur lui pour le réveiller en l'embrassant, lorsque j'aperçus dans ses boucles, sur la tempe, un petit fil qui brillait comme de l'argent. Quelle surprise! Je n'aurais pas cru cela possible. D'abord, j'ai pensé à l'arracher pour qu'il ne le vît pas, lui. Mais en regardant bien, j'en aperçus un autre plus haut. Des cheveux blancs. Il allait avoir des cheveux blancs. J'en avais le cœur battant et une moiteur à la peau. Pourtant, j'étais bien contente au fond. C'est laid de penser ainsi, mais j'ai fait mon ménage de bon cœur ce matin-là, sans le réveiller encore. Et quand il eut ouvert les yeux tout seul, je lui dis « Sais-tu ce que j'ai découvert pendant que tu dormais ?»« Non. J'ai découvert que tu as les cheveux blancs. » Il eut une secousse de dépit qui le fit asseoir comme si je l'avais chatouillé. Et il me dit d'un air méchant « C'est pas vrai. »« Oui, sur la tempe gauche, il y en a quatre. » Il sauta du lit pour courir à la glace. Il ne les trouvait pas. Alors, je lui montrai le premier, le plus bas, le plus frisé. Et je lui disais « Ça n'est pas étonnant avec la vie que tu mènes. D'ici à 2 ans, tu seras fini. » Eh bien, monsieur, j'avais dit vrai. 2 ans après, on ne l'aurait pas reconnu. Comme ça change vite un homme. Il était encore beau garçon, mais il perdait sa fraîcheur, et les femmes ne le recherchaient plus. Ah, j'en ai mené une dure d'existence, moi, en ce temps-là. Il m'en a fait voir de cruel. Rien ne lui plaisait, rien de rien. Il a quitté son métier pour la chapellerie, dans quoi il a mangé de l'argent. Et puis, il a voulu être acteur, sans y réussir. Et puis, il s'est mis à fréquenter les bals publics. Enfin, il a eu le bon sens de garder un peu de bien dont nous vivons. Ça suffit, mais ça n'est pas lourd. Dire qu'il a eu presque une fortune à un moment. Maintenant, vous voyez ce qu'il fait? C'est comme une frénésie qu'il tient. Faut qu'il soit jeune, faut qu'il danse avec des femmes qui sentent l'odeur et la pommade. Pauvre chérie, va. Elle regardait, émue, prête à pleurer, son vieux mari qui ronflait. Puis, s'approchant de lui à pas légers, elle mit un baiser dans ses cheveux. Le médecin s'était levé et se préparait à s'en aller, ne trouvant rien à dire devant ce couple bizarre. Alors, comme il partait, elle demanda « Voulez-vous tout de même me donner votre adresse? S'il était plus malade, j'irai vous chercher. »